La cité de Dieu de saint Augustin, livre 14e, Le péché originel. Tome 3, édition Charpentier, 1855. Traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cessé. Markhamdanarchive.org 2019. D'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Saint Augustin traite encore du péché originel, source de la vie charnelle de l'homme et de ses affections vicieuses. Il s'attache surtout à faire voir que la honte qui accompagne en nous la volupté est le juste châtiment de la désobéissance primitive, et cherche comment l'homme, s'il n'eût pas péché, eût engendré des enfants sans aucun mouvement de concupiscence. Ce livre a été écrit par saint Augustin avant l'année 420, car il en fait mention dans un autre de ses ouvrages, Défense de l'Ancien Testament contre les accusations lancées par un ouvrage martionniste composé vers cette époque. Chapitre 1er. La désobéissance du premier homme entraînerait tous ses enfants dans l'abîme éternel de la seconde mort, si la grâce de Dieu n'en sauvait plusieurs. Nous avons déjà dit au livre précédent que Dieu, voulant unir étroitement les hommes non seulement par la communauté de nature mais aussi par les nœuds de la parenté, les a fait tous sortir d'un seul, et que l'espèce humaine n'eût point été sujette à la mort, si Adam et Ève, celle-ci tirée du premier homme, tirée lui-même du néant, n'eussent mérité ce châtiment par leur désobéissance, qui a corrompu toute la nature humaine et transmis leurs péchés à leurs descendants, aussi bien que la nécessité de mourir. Or, l'empire de la mort s'est dès lors tellement établi parmi les hommes, qu'ils seraient tous précipités dans la seconde mort qui n'aura point de fin, si une grâce de Dieu toute gratuite n'en sauvait quelques-uns. De là vient que tant de nations qui sont dans le monde, si différents de mœurs, de coutumes et de langage, ne forment toutes ensemble que deux sociétés d'hommes, que nous pouvons justement appeler cités, selon le langage de l'Écriture. L'une se compose de ceux qui veulent vivre selon la chair, et l'autre de ceux qui veulent vivre selon l'esprit. Et quand les uns et les autres ont obtenu ce qu'ils désirent, ils sont en paix chacun dans son genre. Chapitre 2. Ce qu'il faut entendre par vivre selon la chair. Et d'abord, qu'est-ce que vivre selon la chair? Qu'est-ce que vivre selon l'esprit? Celui qui ne serait pas fort versé dans le langage de l'Écriture pourrait s'imaginer que les épicuriens et les autres philosophes sensualistes, et tous ceux qui, sans faire profession de philosophie, ne connaissent et n'aiment que les plaisirs des sens, sont les seuls qui vivent selon la chair, parce qu'ils mettent le souverain bien de l'homme dans la volupté du corps, tandis que les stoïciens, qui le mettent dans l'âme, vivent selon l'esprit. Mais il n'en est point ainsi, et, dans le sens de l'Écriture, les uns et les autres vivent selon la chair. En effet, elle n'appelle pas seulement chair le corps de tout animal mortel et terrestre, comme quand elle dit « Toute chair n'est pas la même chair », car autre est la chair de l'homme, autre celle des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 1 Corinthiens 15:39. Elle donne encore à ce mot beaucoup d'autres exceptions. Elle lui fait entre autres signifier l'homme même, en prenant la partie pour le tout, comme dans ce passage de l'apôtre. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Romains 3:20. Ou par nulle chair on doit entendre nul homme, ainsi que saint Paul le déclare lui-même dans son épître aux Galates, 2, 16. Nul homme ne sera justifié par la loi. Et peu après, sachant que nul homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est en ce sens que doivent se prendre ces paroles de Saint Jean 1, 14. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire homme. Quelques-uns, pour avoir mal entendu ceci, ont pensé que Jésus-Christ n'avait point d'âme humaine, allusion à l'hérésie des Apollinaires. De même, en effet, que l'on entend la partie pour le tout dans ces paroles de Marie-Madeleine, « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis », Jean 20, 13, par où elle n'entend parler que de son corps, qu'elle croyait enlevé du tombeau, de même on entend quelquefois le tout pour la partie, comme dans les expressions que nous venons de rapporter. Puis donc que l'Écriture prend ce mot de chair en plusieurs façons qu'il serait trop long de déduire, si nous voulons savoir ce que c'est que vivre selon la chair, considérons attentivement cet endroit de Saint Paul aux Galates, où il dit « Les œuvres de la chair sont aisées à connaître, comme l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, les empoisonnements, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les animosités, les dissensions, les hérésies, les envies, l'ivrognerie, les débauches, et autres semblables dont je vous ai dit et vous dis encore que ceux qui commettent ces crimes ne posséderont point le royaume de Dieu. » Galates 5, 19, 21. Parmi les œuvres de la chair que l'apôtre dit qu'il est aisé de connaître et qu'il condamne, nous ne trouvons pas seulement celles qui concernent la volupté du corps, comme la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'ivrognerie, la gourmandise, mais encore celles qui ne regardent que l'esprit. En effet, qui ne demeurera d'accord que l'idolâtrie, les empoisonnements, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les animosités, les dissensions, les hérésies et les envies, sont plutôt des vices de l'âme que du corps? Il se peut faire qu'on s'abstienne des plaisirs du corps pour se livrer à l'idolâtrie ou pour former quelque hérésie, et cependant un homme de la sorte est convaincu par l'autorité de l'apôtre de ne pas vivre selon l'esprit, et, dans son abstinence même des voluptés de la chair, il est certain qu'il pratique les œuvres damnables de la chair. Les inimitiés ne sont-elles pas dans l'esprit? Qui s'aviserait de dire à son ennemi, « Vous avez une mauvaise chair contre moi », pour dire une mauvaise volonté? Enfin, il est clair que les animosités se rapportent à l'âme, comme les ardeurs charnelles à la chair. Pourquoi donc le docteur des gentils appelle-t-il tout cela œuvre de la chair, si ce n'est en usant de cette façon de parler qui fait qu'on exprime le tout par la partie, c'est-à-dire par la chair l'homme tout entier? Chapitre 3. La chair n'est pas cause de tous les péchés. Prétendre que la chair est cause de tous les vices, et que l'âme ne fait le mal que parce qu'elle est sujette aux affections de la chair, ce n'est pas faire l'attention qu'il faut à toute la nature de l'homme. Il est vrai que le corps corruptible appesantit l'âme, Sagesse 9, 15. D'où vient que l'apôtre, parlant de ce corps corruptible, dont il avait dit un peu auparavant, « Quoique notre homme extérieur se corrompe », 2 Corinthiens 4, 16, ajoute, « Nous savons que si cette maison de terre vient à se dissoudre, Dieu doit nous donner dans le ciel une autre maison qui ne sera point faite de la main des hommes. C'est ce qui nous fait soupirer après le moment de nous revêtir de la gloire de cette maison céleste, si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. Car, pendant que nous sommes dans cette demeure mortelle, nous gémissons sous le fait, et néanmoins nous ne désirons pas être dépouillés, mais revêtus par-dessus, en sorte que ce qu'il y a de mortel en nous soit absorbé par la vie. » 2 Corinthiens 5, 1 à 4. Nous sommes donc tirés en bas par ce corps corruptible comme par un poids, mais parce que nous savons que cela vient de la corruption du corps et non de sa nature et de sa substance, nous ne voulons pas en être dépouillés, mais être revêtus d'immortalité. Car ce corps demeurera toujours, mais comme il ne sera pas corruptible, il ne nous appesantira point. Il reste donc vrai qu'ici-bas, le corps corruptible appesantit l'âme, et que cette demeure de terre abat l'esprit qui pense beaucoup, et, en même temps, c'est une erreur de croire que tous les dérèglements de l'âme viennent du corps. Vainement Virgile exprime-t-il en ces beaux vers la doctrine platonicienne ? Fille du ciel, les âmes sont animées d'une flamme divine, tant qu'une enveloppe corporelle ne vient pas engourdir leur activité sous le poids de terrestres organes et de membres moribonds. Énéide, livre 6. Vainement rattache-t-il au corps ces quatre passions bien connues de l'âme ? Le désir et la crainte, la joie et la tristesse, où il voit la source de tous les vices. Et de là, dit-il, les craintes et les désirs, les tristesses et les joies de ces âmes captives qui du fond de leurs ténèbres et de leur épaisse prison, ne peuvent plus élever leur regard vers le ciel. Énéide, livre 6. Notre foi nous enseigne tout autre chose. Elle nous dit que la corruption du corps qui appesantit l'âme n'est pas la cause, mais la peine du premier péché. De sorte qu'il ne faut pas attribuer tous les désordres à la chair, encore qu'elle excite en nous certains désirs déréglés. Car ce serait justifier le diable, qui n'a point de chair. On ne peut assurément pas dire qu'il soit fornicateur, ni ivrogne, ni sujet aux autres péchés de la chair, et cependant il ne laisse pas d'être extrêmement superbe et envieux. Il est au point que c'est pour cela que, selon l'apôtre saint Pierre, il a été précipité dans les prisons obscures de l'air et destiné à des supplices éternels. Sur le supplice du diable, voir saint Augustin, le combat chrétien, est de la nature du bien contre les manichéens. Or, ces vices qui ont établi leur empire chez le diable, saint Paul les attribue à la chair, bien qu'il soit certain que le diable n'a point de chair. Il dit que les inimitiés, les contentions, les jalousies, les animosités et les envies sont les œuvres de la chair, aussi bien que l'orgueil, qui est la source de tous ces vices, est celui qui domine particulièrement dans le diable. Galates 5, 20-21. En effet, qui est plus ennemi des saints que lui, qui a plus d'animosité contre eux, qui est plus jaloux de leur gloire, tous ces vices étant en lui sans la chair, comment entendre que ce sont les œuvres de la chair, sinon parce que ce sont les œuvres de l'homme, identifiées par saint Paul avec la chair? Ce n'est pas, en effet, pour avoir une chair, car le diable n'en a point, mais pour avoir voulu vivre selon lui-même, c'est-à-dire selon l'homme, que l'homme est devenu semblable au diable. Le diable a voulu vivre aussi selon lui-même, quand il n'est pas demeuré dans la vérité, en sorte que quand il mentait, cela ne venait pas de Dieu, mais de lui-même, de lui qui n'est pas seulement menteur, mais aussi le père du mensonge, Jean 8:44, de lui qui a menti le premier, et qui n'est l'auteur du péché que parce qu'il est l'auteur du mensonge. Chapitre 4. Ce que c'est que vivre selon l'homme et que vivre selon Dieu. Lors donc que l'homme vit selon l'homme, et non selon Dieu, il est semblable au diable, parce que l'ange même ne devait pas vivre selon l'ange, mais selon Dieu, pour demeurer dans la vérité et pour parler le langage de la vérité qui vient de Dieu, et non celui du mensonge qu'il tire de son propre fond. Si le même apôtre dit dans un autre endroit, La vérité a éclaté davantage par mon mensonge, Romains 3, 7. N'est-ce pas déclaré que le mensonge est de l'homme, et la vérité de Dieu? Ainsi, quand l'homme vit selon la vérité, il ne vit pas selon lui-même, mais selon Dieu. Car c'est Dieu qui a dit, « Je suis la vérité. » Jean 14, 6. Quand il vit selon lui-même, il vit selon le mensonge, non qu'il soit lui-même mensonge, ayant pour auteur et pour créateur un Dieu qui n'est point auteur ni créateur du mensonge, mais parce que l'homme n'a pas été créé innocent pour vivre selon lui-même, mais pour vivre selon celui qui l'a créé, c'est-à-dire pour faire plutôt la volonté de Dieu que la sienne. Or, ne pas vivre de la façon pour laquelle il a été créé, voilà le mensonge. Car il veut certainement être heureux, même en ne vivant pas comme il faut pour l'être, et quoi de plus mensonger que cette volonté? Aussi peut-on fort bien dire que tout péché est un mensonge. Nous ne péchons en effet que par la même volonté qui nous porte à désirer d'être heureux, ou à craindre d'être malheureux. Il y a donc mensonge, quand ce que nous faisons pour devenir heureux ne sert qu'à nous rendre malheureux. Et d'où vient cela, sinon de ce que l'homme ne saurait trouver son bonheur qu'en Dieu, qu'il abandonne en péchant, et non en soi-même? Nous avons dit que tous les hommes sont partagés en deux cités différentes et contraires, parce que les uns vivent selon la chair, et les autres selon l'esprit. On peut aussi exprimer la même idée en disant que les uns vivent selon l'homme, et les autres selon Dieu. Saint Paul use même de cette expression dans son épître aux Corinthiens, quand il dit, « Puisqu'il y a encore des rivalités et des jalousies parmi vous, n'est-il pas visible que vous êtes charnels et que vous marchez encore selon l'homme ?» 1 Corinthiens 3:3. C'est donc la même chose de marcher selon l'homme et d'être charnel, en prenant la chair, c'est-à-dire une partie de l'homme pour l'homme tout entier. Il avait appelé un peu auparavant animaux ceux qu'il nomme ici charnels, qui des hommes, dit-il, connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit même de l'homme qui est en lui. Ainsi personne ne connaît ce qui est en Dieu que l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit pris du monde, mais l'esprit de Dieu, pour connaître les dons que Dieu nous a faits, et nous les annonçons, non dans le docte langage de la sagesse humaine, mais comme des hommes instruits par l'esprit de Dieu et qui parlent spirituellement des choses spirituelles. Pour l'homme animal, il ne conçoit point ce qui est l'esprit de Dieu, car cela passe à son sens pour une folie. 1 Corinthiens 2, 11 à 14. Il s'adresse à ces sortes d'hommes qui sont encore animaux, lorsqu'il dit un peu après, « Aussi, mes frères, n'ai-je pu vous parler comme à des personnes spirituelles, mais comme à des hommes qui sont encore charnels. » 1 Corinthiens 3:1. Ce que l'on doit encore entendre de la même manière, c'est-à-dire la partie pour le tout. L'homme tout entier peut être désigné par l'esprit ou par la chair, qui sont les deux parties qui le composent, et dès lors l'homme animal et l'homme charnel ne sont point deux choses différentes, mais une même chose, c'est-à-dire l'homme vivant selon l'homme. Et c'est ainsi qu'on ne doit entendre que l'homme, soit en ce passage, nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, Romains 3:20. Soit en celui-ci, 75 âmes descendirent en Égypte avec Jacob, Genèse 46, 27. Toute chair veut dire tout homme, et 75 âmes est pour 75 hommes. L'apôtre dit, je ne vous parlerai pas le docte langage de la sagesse humaine. Il aurait pu dire, de la sagesse charnelle. Il dit aussi, vous marchez selon l'homme. dans le même sens où il aurait dit « selon la chair ». Mais cela paraît plus clairement dans ses paroles, lorsque l'un dit « je suis Apollon » et l'autre « je suis à Apollon, n'êtes-vous pas encore des hommes ?» 1 Corinthiens 3-4. Il appelle homme ceux qu'il avait auparavant appelés charnels et animaux. « Vous êtes des hommes, dit-il, c'est-à-dire vous vivez selon l'homme, et non pas selon Dieu, car si vous viviez selon Dieu, vous seriez des dieux. » Note. 75 âmes descendirent en Égypte avec Jacob. Saint Augustin suit en cet endroit la version des 70, car la Vulgate porte 70 âmes, et non 75. Les Actes des Apôtres, 7, 14, sont d'accord avec les 70. Voyez la Cité de Dieu, livre 16 chapitre 40. Chapitre 5. L'opinion des platoniciens touchant la nature de l'âme et celle du corps est plus supportable que celle des manichéens. Toutefois nous la rejetons en ce point qu'elle fait venir du corps tous les désirs déréglés. Il ne faut donc pas, lorsque nous péchons, accuser la chair en elle-même, et faire retomber ce reproche sur le Créateur, puisque la chair est bonne en son genre. Ce qui n'est pas bon, c'est d'abandonner le Créateur pour vivre selon un bien créé, soit qu'on veuille vivre selon la chair, ou selon l'âme, ou selon l'homme tout entier, qui est composé des deux ensembles. Celui qui glorifie l'âme comme le souverain bien et qui condamne la chair comme un mal, aime l'une et fuit l'autre charnellement, parce que sa haine, aussi bien que son amour, ne sont pas fondés sur la vérité, mais sur une fausse imagination. Les platoniciens, je l'avoue, ne tombent pas dans l'extravagance des manichéens et ne détestent pas avec eux les corps terrestres comme une nature mauvaise, puisqu'ils font venir tous les éléments dont ce monde visible est composé et toutes leurs qualités de Dieu comme créateur. Mais ils croient que le corps mortel fait de telles impressions sur l'âme, qu'il engendre en elle la crainte, le désir, la joie et la tristesse, 4 perturbations, pour parler avec Cicéron, Tusculane livre 4, ou, si l'on veut se rapprocher du grec, 4 passions, qui sont la source de la corruption des mœurs. Or, si cela est, d'où vient Kéné, dans Virgile, entendant dire à son père que les âmes retourneront dans les corps après les avoir quittés, est surpris et s'écrie, ô mon père, faut-il croire que les âmes, après être remontées au ciel, quittent ces sublimes régions pour revenir dans des corps grossiers, infortunés, d'où leur vient ce funeste amour de la lumière? Énéide, livre 6. Je demande à mon tour si, dans cette pureté tant vantée où s'élèvent ces âmes, le funeste amour de la lumière peut leur venir de ces organes terrestres et de ces membres moribonds? Le poète n'assure-t-il pas qu'elles ont été délivrées de toute contagion charnelle alors qu'elles veulent retourner dans des corps? Il résulte de là que cette révolution éternelle des âmes, fut-elle aussi vraie qu'elle est fausse, on ne pourrait pas dire que tous leurs désirs déréglés leur viennent du corps, puisque, selon les platoniciens et leur illustre interprète, le funeste amour de la lumière ne vient pas du corps, mais de l'âme, qui en est saisie au moment même où elle est libre de tout corps et purifiée de toutes les souillures de la chair. Aussi conviennent-ils que ce n'est pas seulement le corps qui excite dans l'âme des craintes, des désirs, des joies et des tristesses, mais qu'elle peut être agitée par elle-même de tous ses mouvements. Note. Voyez le traité de Saint Augustin des Hérésies numéro 46, et tous ses écrits contre les manichéens. Chapitre 6. Les mouvements de l'âme sont bons ou mauvais, selon que la volonté est bonne ou mauvaise. Ce qui importe, c'est de savoir quelle est la volonté de l'homme. Si elle est déréglée, ses mouvements seront déréglés, et si elle est droite, ils seront innocents et même louables, car c'est la volonté qui est en tous ses mouvements, ou plutôt tous ses mouvements ne sont que des volontés. En effet, qu'est-ce que le désir et la joie, sinon une volonté qui consent à ce qui nous plaît, et qu'est-ce que la crainte et la tristesse, sinon une volonté qui se détourne de ce qui nous déplaît? Or, quand nous consentons à ce qui nous plaît en le souhaitant, ce mouvement s'appelle désir, et quand c'est en jouissant, il s'appelle joie. De même, quand nous nous détournons de l'objet qui nous déplaît avant qu'il nous arrive, cette volonté s'appelle crainte, et après qu'il est arrivé, tristesse. En un mot, la volonté de l'homme, selon les différents objets qui la tirent ou qui la blessent, qu'elle désire ou qu'elle fuit, se change et se transforme en ses différentes affections. C'est pourquoi il faut que l'homme qui ne vit pas selon l'homme, mais selon Dieu, aime le bien, et alors il haïra nécessairement le mal. Or, comme personne n'est mauvais par nature, mais par vice, celui qui vit selon Dieu doit avoir pour les méchants une haine parfaite. Psaume 138, 22, en sorte qu'ils ne haïssent pas l'homme à cause du vice, et qu'ils n'aiment pas le vice à cause de l'homme, mais qu'ils haïssent le vice et aiment l'homme. Le vice guérit, tout ce qu'il doit aimer restera, et il ne restera rien de ce qu'il doit haïr. Chapitre 7. Les mots amour et dilection se prennent indifféremment en bonne et en mauvaise part dans les saintes lettres. On dit de celui qui a le ferme propos d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme lui-même, non pas selon l'homme, mais selon Dieu, qu'il a une bonne volonté. Cette bonne volonté s'appelle ordinairement charité dans l'Écriture sainte, qui la nomme aussi quelquefois amour. En effet, l'apôtre veut que celui dont on fait choix pour gouverner le peuple aime le bien. 1 Timothée 3:1 à 10. Et nous lisons aussi dans l'Évangile que notre Seigneur ayant dit à Pierre, « Me chéris-tu ? » Le latin dit, « As-tu pour moi de la dilection ? Plus que ne font ceux-ci ? » Pierre répondit, « Seigneur, vous savez que je vous aime. » Et le Seigneur lui ayant demandé de nouveau, non pas s'il l'aimait, mais s'il le chérissait, toujours la même opposition entre amo et diligo, amor et dilectio. Pierre lui répondit encore, « Seigneur, vous savez que je vous aime. » Enfin, le Seigneur lui ayant demandé une troisième fois s'il le chérissait, l'évangéliste ajoute, Pierre fut contristé de ce que le Seigneur lui avait dit trois fois, « M'aimes-tu ? » Et cependant le Seigneur ne lui avait fait la question en ces termes qu'une seule fois, s'étant servi les deux autres fois du mot « chérir ». D'où je conclus que le Seigneur n'attachait pas au mot « chérir »,« diligere », un autre sens qu'au mot « aimer »,« amar ». Aussi bien Pierre répond sans avoir égard à cette différence d'expression. Seigneur, vous savez tout, vous savez donc bien que je vous aime. Jean 21, 15 à 17. J'ai cru devoir m'arrêter sur ces deux mots, parce que plusieurs imaginent une différence entre dilection et charité ou amour. À leur avis, la dilection se prend en bonne part et l'amour en mauvaise part. Mais il est certain que les auteurs profanes n'ont jamais fait cette distinction, et je laisse aux philosophes le soin de résoudre le problème. Je remarquerai seulement que, dans leur livre, ils ne manquent pas de relever l'amour qui a pour objet le bien et Dieu même. Voyez le Phèdre, dans le Banquet, le discours de Diotime. Quant à l'Écriture sainte, dont l'autorité surpasse infiniment celle de tous les monuments humains, nulle part elle n'insinue la moindre différence entre l'amour et la dilection ou charité. J'ai déjà prouvé que l'amour y est pris en bonne part, et si l'on s'imagine que l'amour y est pris, à la vérité, en bonne et en mauvaise part, mais que la dilection s'y prend en bonne part exclusivement, il suffit, pour se convaincre du contraire, de se souvenir de ce passage du psalmiste. Celui qui chérit, diligite, l'iniquité est son âme. Psaume 10, 6. Et cet autre de l'apôtre Saint Jean. 9, 15. Celui qui chérit le monde, si quis dilexerit, la dilection du Père n'est pas en lui. Voilà, dans un même passage, le mot diligere est pris tour à tour en mauvaise et en bonne part. Et qu'on ne me demande pas si l'amour, que j'ai montré entendu en un sens favorable, peut aussi être pris dans le sens opposé. Car il est écrit, les hommes deviendront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent. 2 Timothée 3 2 La volonté droite est donc le bon amour, et la volonté déréglée est le mauvais, et les différents mouvements de cet amour font toutes les passions. S'il se porte vers quelque objet, c'est le désir. S'il en jouit, c'est la joie. S'il s'en détourne, c'est la crainte. S'il le sent malgré lui, c'est la tristesse. Or, ces passions sont bonnes ou mauvaises, selon que l'amour est bon ou mauvais. Prouvons ceci par l'Écriture. L'apôtre, désir de sortir de cette vie et d'être avec Jésus-Christ. Philippiens 1, 23. Écoutez maintenant le prophète. Mon âme languit dans le désir dont elle brûle sans cesse pour votre loi. Psaume 118, 20. Et encore, la concupiscence de la sagesse mène au royaume de Dieu. Sagesse 6, 21. L'usage toutefois a voulu que le mot concupiscence, employé isolément, fût pris en mauvaise part. Mais la joie est prise en bonne part dans ce passage du psalmiste. Réjouissez-vous dans le Seigneur, juste, tressaillez de joie. Psaume 31, 11. Et ailleurs, vous avez versé la joie dans mon cœur. Psaume 4, 7. Et encore, vous me remplirez de joie en me dévoilant votre face. Psaume 15, 11. Maintenant, ce qui prouve que la crainte est bonne, c'est ce mot de l'apôtre. Opérez votre salut avec crainte et frayeur. Philippiens 2, 12. Et cet autre passage. Gardez-vous de viser plus haut qu'il ne convient, et craignez. Romains 11, 20. Et encore, je crains que, comme le serpent séduisit Ève, vous ne vous écartiez de cet amour chaste qui est en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, 3. Enfin, quant à la tristesse que Cicéron appelle une maladie, Tusculane, livre 3, chapitre 10, et que Virgile assimile à la douleur en disant, et de là leur douleur et leur joie, Énéide, livre 6, peut-elle se prendre aussi en bonne part? C'est une question plus délicate.